Inzesis, l'interview scientifoque. Ce soir, nous recevons Simon Livrioute, docteur dans cette toute nouvelle discipline scientifique, la biologie cognitive. Simon Livrioute, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir dans l'émission Inzesis. Merci à vous. Pour nous parler de l'éternuement. Exactement. Alors, à partir de quelle époque l'homme s'est-il mis à éternuer ? Alors, de tout temps. De tout temps, l'homme s'est mis à éternuer, comme vous dites, car il faut savoir que à partir du moment où les molécules existent, hein, donc depuis la création de l'univers, oui. Celles-ci, donc, provoque l'éternuement chez l'homme, notamment quand il fait froid, ou bien pour certaines poussières, oui. Une question d'allergie par exemple. Alors, est-ce que de tout temps, l'homme a éternué pour les mêmes raisons ? C'est la question, ça. Alors, on a envie de dire que à notre époque, nous avons plus tendance aux allergies, Pourtant, nous vivons dans une époque où on est censé vivre dans des endroits plus stériles, plus propres. Bien sûr. Mais l'homme a développé de nombreuses allergies, de petites allergies, hein, qui nous font souvent éternuer, notamment quand on est dans une maison poussiéreuse, Mmh. ou bien quand nous sommes en présence d'un chat pour certains, ou d'un chien, ou d'animaux donc à poil. Donc, c'est vrai que ces symptômes sont très présents à notre époque, moins, beaucoup moins qu'autrefois. Nous vivons plus longtemps, mais sommes plus sensibles. Alors, exactement, nous sommes plus sensibles à faible consistance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous allons avoir des petits tracas, donc un petit rhume, nous allons avoir une petite allergie, alors qu'autrefois, une petite allergie, c'était fini, c'en était fini hein, de la personne, hein, car il n'y avait pas de traitement, des résistances moins fortes. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, nous avons peut-être plus de petits pépins, mais en même temps, peut-être que nous en avons plus, parce que simplement, nous ne mourrons pas de notre premier petit pépin, vous voyez ? Oui, c'est oui, oui. C'est peut-être ça, tout simplement. Vu une autre échelle, voilà, c'est vrai. Oui, notre échelle, je comprends. Ça. Là, on en vient à votre étude, la fameuse étude éditée dans la grande revue scientifique. La publication, exactement. La publication Esprit, Corps, Éternuement, oui. Qui relate donc divers phénomènes autour de l'éternuement, des personnalités mondialement connues jusqu'aux petits nourrissons. Oui. Moi, par exemple, vous avez fait des tests sur Luc Besson. Oui, exactement. Sur Gérald Vingan. Exactement. Célèbre acteur, oui, comédien, exactement. Danseur, metteur en scène même, je pense. Exactement. Nous avons testé donc sur ces personnes-là, je vais vous l'avouer, de totalement aléatoire. C'est-à-dire que on n'a pas décidé que ce serait... C'est juste que j'avais ces personnes en tant que proches qui trouvaient oui. L'étude plutôt amusante. D'accord. Donc nous nous sommes amusés à leur frotter le nez avec une plume. D'accord. Donc oui. Luc Une plume Besson. De quoi? Alors une plume de paon. Intéressant. Voilà. Pourquoi Une plume de paon, plume de paon? Parce que réside dans les couleurs de la plume de paon, comment dire, c'est des petits granulés de énergétiques, vous voyez, oui. qui fait un petit frémissement au système plus nasal. C'est plus stimulant. Il est écrit que c'est beaucoup plus stimulant. La couleur, chaque couleur a une onde qui lui est propre, enfin une fréquence d'onde. Exactement. Et donc, avec vous aviez essayé avec des plumes prises dans un édredon. Oui, oui, oui. Et vous êtes rendu compte... Ça, c'est le grand classique, hein, les oui, plumes d'édredon, oui. Vous êtes rendu compte que c'était 50 à 65% moins... Allergisant, exactement. Allergisant. Tout simplement, pour quelle raison ? Nous avons donc la plume de paon qui est dotée de couleurs. Certaines personnes vont regarder le soleil, force énergétique, qui va donner envie d'éternuer. Oui. Et bien pour d'autres, ce sera tout simplement une couleur vive ou une couleur moins vive, mais chacun réagit à sa manière. Luc Besson, par exemple, n'a pas du tout réagi à la plume de Pan. J'ai eu beau la frotter, même rajouter un petit peu de sel, enfin, rien à y faire. Or, Gérald Vingan a plus réagi déjà à la couleur, vous savez, il y a un léger, un jaune quand même assez, d'un jaune vif. Eh bien, tout simplement, il a regardé avant de enfin, le contact avant, nasal. Avant d'avoir le contact nasal avec cette plume, et il y a eu un léger éternuement. Ah. Voilà. Nous l'avons calculé à peu près 170 km/h. Généralement, c'est vrai que ça atteint les 300 à 500 km/h. Donc... Excusez-moi, vous calculez ça avec quoi? Alors, on calcule ça avec tout simplement la même chose que pour... le P. Exactement. Exactement. Pour le P, le pour Rho. La vitesse des mots aussi, on calcule la même manière. Je pensais que c'était pas ordinateur, la vitesse des mots. Mais alors non. On peut le faire de deux manières. D'accord. Regardez, là je vais jeter un tas... Voilà, vous voyez le tas que je viens de jeter, un tas. Ce tas-là, il est allé à approximativement, je vous dirais, 75 km/h. Oui. Ça peut être 80, 82. Oui. Mais là, c'était plutôt un 75. Si je fais tas... C'est bon à savoir. Vous voyez, plus d'énergie, plus de puissance, hop, ça part vraiment de suite au-delà des 350, quoi. D'accord, on en vient donc à l'autre étude sur la tonicité des mots selon les langues. Par exemple, dans les anglais, il y a des réactions, des différences comportementales par rapport à leur façon de parler. Parce que c'est une langue beaucoup plus tonique, par exemple. Et ça crée des perturbations, vous allez nous les expliquer. Oui, bien sûr. Alors, nous avons diverses variations entre les langages donc germaniques, anglophones, franciliens et autres... même d'ailleurs le langage arabe est très très rapide, c'est un des plus rapides du monde. Ah bon, je ne savais pas. Oui, très très rapide, parce qu'il faut dire que c'est aussi dans la manière, dans l'intonation, comme vous disiez, la tonicité, l'intonation donnée à nos phrases, et on sait que la langue maghrébine est quand même très vive. Attention, expliquons à nos auditeurs que la tonicité et l'intonation... une grande différence, mais que là, elles sont très liées. Dans ce domaine-là, elles sont très très liées. Exactement. Je vous laisse continuer. Elles sont très très liées. Je reviens aux Anglais, donc nos amis anglais. Pour quelles raisons ils ont choisi... ça remonte au tout début de la langue anglaise, hein, vraiment. Ils ont choisi donc tous ces mots-là. You, are, I, am, love, peut-être, freedom... Peut-être d'où le succès du groupe I am. Je suis... Exactement, exactement. En deux lignes résumées, ça joue sur les noms quelque part quand même. Ça joue sur les noms. Vous avez cité des exemples, pris en anglais tout de suite, ça fait mieux. Mais pourquoi? Par l'intonation, la tonicité. Complètement. Il n'y a pas de groupe qui s'appelle You Are. En tout cas, pas connu. Pas à votre connaissance. Voilà. Pas à notre connaissance et pas très très connu. Je vois. Oui. Voilà. Parce que I am, c'est je suis. Oui. Vous voyez la rapidité du mot? Oui, en arabe, je, moi, Anna. Anna. Et la tennisman, Anna Kournikova. Oui. Tout de suite, vous voyez, il y a un mélange, qu'on le veuille ou non. Tout est lié. C'est une grande preuve, là. Et en plus, elle tape fort. C'est irréfutable, ce que vous venez de dire. Eh oui, comme la balle, la vitesse de la balle de tennis. Quand elle tape dedans, Anna Kournikova, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a un petit peu baissé le pied. Tout ce qui émane d'une personne est à son image. Est à son image, totalement. Le sport qu'elle pratique est à son voilà, image. Voilà, que ce soit de la danse aquatique au lever de chariot, tout dépend. Tout dépend de l'intonation que vous mettez dans votre prénom, dans votre langage, dans votre attitude corporelle, mentale et émotionnelle. D'accord. Et par exemple, l'étude aussi se basait sur un match de football où un arbitre parlait énormément. Oui. Ainsi que l'entraîneur. Vous avez étudié la façon avec laquelle il s'exprimait, oui. À la fois l'entraîneur et à la fois l'arbitre. Et vous êtes rendu compte, vous avez comparé deux matchs, vous êtes rendu compte que ça y jouait beaucoup. Oui, ça y jouait beaucoup. Pour quelle raison? Par exemple, prenons donc un match où un arbitre parle beaucoup, mais de manière disciplinaire. Les mots vont fuser très vite et un mot rapide va agresser la personne plus facilement. les joueurs qui sont sur le terrain vont recevoir les mots à de grande vitesse, de plein fouet, qu'ils soient autoritaires, gentils ou pas, ils vont se sentir donc agressés. À partir de là, le match va être tendu. Voilà, donc on peut dire que tout est en quelque sorte de la faute de l'arbitre si il a un tempérament à parler vite, à lancer des mots forts et rapidement, si le match dégénère. Voilà, ce sera vraiment de sa faute. Tout comme un entraîneur qui parle vite, fort, etc., va mettre en mauvaise condition ses joueurs. Et dans les ressources humaines, c'est pareil, dans les exactement sociétés... pareil. Pour les enfants à la petite école, pareil. Oui. Donc, on en vient à la formation primordiale de cette interview. Bah, ça permet de faire un petit peu de publicité. Mmh. Vous donnez des stages à ces gens qui gèrent d'autres gens, des stages. Donc, on en parle, 4000 euros par jour seulement. Ça change leur vie. On peut vous joindre. Exactement. Rappelez votre prénom et votre nom. Alors, donc, je m'appelle Simon Livrioute. Livrioute. Voilà. Excusez-moi. Livrioute. Oui, merci. Et donc, on peut vous joindre au 06 67 67 73 01. Voilà, exactement. Donc, 06 50 12 12 23. Pour plus de renseignements, éventuellement, boîte mail, hein, bien sûr. Oui. Donc, livrehut@geternu.com. Mm-hmm. Et éventuellement, les séances sont allégées pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà, donc de 4000 euros la séance, nous passons à une simple... J'ai envie de... à 17,50 euros. Voilà. C'est très bien. À la minute. Sur 60 minutes, on atteint un total d'à peu près 1200 euros à l'heure. Une belle réduction. Faut en profiter. C'est bientôt Noël. Les soldes sont passés. Voilà. Et il faut savoir donc que la thèse de l'éternuement, bien sûr, a un contrario du système commercial qui vise à toujours plus pour faire toujours moins. Oui. Donc, vous exprimiez... Vous exprimiez page 72 de votre livre. Donc, on va faire la promotion dans quelques minutes. Page 72, que de plus en plus, les gens éternuent pour la simple raison qu'ils expulsent tout ce qu'on veut leur faire ingérer en permanence. C'est-à-dire la publicité... Exactement. Mais même, il y a une certaine banalisation, j'ai envie de dire, de l'éternuement. Excusez-moi, aujourd'hui, on éternue pour un oui et pour un non. C'est vrai. On éternue parce que il y a une petite poussière, ou bien parce que on a une plume de paon qui nous chatouille le nez. On n'éternue plus pour les bonnes raisons. On n'éternue plus pour dire non à quelque chose. On éternue juste pour des sottises, certaines fois. Excusez-moi du terme. Sottise est vraiment peut-être dur, là un léger 92 km/h, hein, mais voilà, on n'éternue plus pour les bonnes raisons, monsieur. Et c'est vrai que trop de pression, trop de choses inutiles dans la vie d'un être humain, comme trop de publicité, trop de superficialité, tout cela mène l'être humain à éternuer trop et à mauvais escient. On termine avec ça ? Exactement. C'est un beau mot de fin. Oui. Alors, je présente votre livre, donc, L'éternuement, les couleurs, Où va la vie ? Par Simon Livrioute, aux éditions Gibraltouz. Simon Livrioute ? Oui. Merci. Livrioute. Merci. Je vous remercie, merci beaucoup, au revoir. Merci. Cet homme qui pollue tout, des femmes de... morts alités. Tout passe, tout casse, le joint des culasses. Mais je te le dis encore que l'hiver est mort. Allonge tes tresses, longue détresse. Quand les amoureux se ramassent à la pelle, toutes les feuilles mortes se marquent entre elles. Il y a des chances que rien bouge. Il y a des chances que rien. Y'a des chances que rien bouge. Y'a des chances que rien ne bouge. Se perdre au loin sur ta grande eau n'y verra rien. Mon petit feu t'embrasse sur les yeux. Moi je quitte l'enveloppe, j'aime plus qu'un peu. Il y a des chances que rien bouge. Il y a des chances que rien bouge. Il y a des chances que rien bouge. Il y a des chances que rien ne bouge. Mais au fait, Landry, t'es allé te promener la nuit ces derniers temps ? Ouais, ouais. Mais, enfin, généralement, tu vas où ? Il y a quoi à voir la nuit dehors ? Bah, tu sors, tu marches, tu fais comme tu le sens, et souvent, tu tombes sur des trucs sympas. Regarde, par exemple, l'autre soir, il était environ 23h30, je marchais le long de la Saône quand j'ai entendu du saxophone. Alors, je me suis approché, et il y a un gars qui jouait au bord de l'eau, avec deux amis à lui, et il y avait des gens bourrés qui me félicitaient depuis l'autre rive. Thank you. Mm-hmm.